Tout le personnel et la direction de BR Metal et sa filiale Aluco souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Grâce à des investissements de près de 1 200 000 l'an dernier, 40 emplois ont été consolidés dans le secteur, devenant par le fait même le chef de file dans le domaine. Joyeux Noël et bonne année de la part de BR Metal, situé au 353 rue Gustave Dessureau d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-5888. Ici Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5831. C'est une entrevue que ça, je voulais faire pendant un petit bout de temps. Évidemment, je voulais laisser la chance à la direction, à la nouvelle direction des Saguenayens de s'établir et de voir comment ça se passe. Ben, quoi qu'il en soit, c'est avec grand plaisir qu'on soit le président des Saguenayens de Chicoutimi, Richard Letourneau, pour un peu savoir comment que ça va depuis qu'il a pris en selle les Sags. Ben, bonne fin d'après-midi, M. Letourneau. Bonne fin d'après-midi, M. Veilleux, on va très très bien, ça va très très bien. M. Letourneau, première constatation, comment ça va depuis que vous avez pris la direction des Saguenayens? Ça va très bien. Écoutez, depuis qu'on est à la tête des Saguenayens, depuis le début novembre, on a refait une campagne de billets de mi-saison où on a réussi à vendre au-delà de 300 billets de saison. Et depuis le début novembre, on a une assistance supérieure à 2000, je vous dirais, aux alentours, une moyenne de 2100-2200 versus une moyenne d'assistance qui était aux alentours de 1500 là, avant le 1er novembre, c'est-à-dire avant que la nouvelle direction soit... OK. Y a-t-il eu des promotions de fête? C'est sûr qu'on a vu beaucoup dans le journal que vous avez acheté beaucoup, beaucoup de publicité, dans le quotidien, à la radio, un peu partout. Y a-t-il d'autres promotions de fête avec les hockey mineurs, avec également d'autres organisations? Oui, c'est bien sûr que une façon de pouvoir avoir du monde à nos matchs, c'est d'essayer d'avoir une promotion à chacune de nos parties. Comme un exemple, vendredi passé, le 18, on avait une promotion avec le Zoo de Saint-Félicien, un. Et deux, on avait aussi une promotion avec le hockey mineur de Chicoutimi. Ce qui a fait que même si le 18 n'est pas nécessairement une journée propice au hockey parce qu'il y a beaucoup de partir des fêtes, ouais, etc., etc., ben on a réussi quand même à avoir 2400 personnes au centre. OK. Ce qui est quand même très... Ça va beaucoup avec les victoires aussi, parce que quand on n'a pas d'histoire, si on inclut les 9 défaites du début de saison chez les Sags, ça va quand même bien avec le paquet de jeunes joueurs qu'il y a. Là, l'année passée, avec des 19 ans, les Sags n'avaient même pas cette fiche-là. Et là, si on enlève les 9 défaites du début de saison, là. C'est ça, exactement. C'est bien sûr que la meilleure publicité que tu peux avoir, c'est avec des victoires. Mmh. Hein. C'est sûr que, puis au centre Georges, on est chanceux. Nos joueurs performent bien. Les victoires sont quand même assez souvent au rendez-vous. Deuxièmement, c'est que nos joueurs nous offrent aussi du très bon hockey, du hockey enlevant. Moi, j'ai vu quand même des matchs où on a perdu, puis que les joueurs ont eu quand même des standing ovations, là, parce que le spectateur était content de voir l'effort que nos jeunes donnaient là, pour, pour donner un bon spectacle puis pour essayer de gagner la partie. OK. Par les années passées, le groupe de gestionnaires devait rapporter au-delà de 300 000. Je me rappelle bien, c'est 340 000, je m'abuse, quelque chose de même. Est-ce que le nouveau bureau de direction qui a été fait, est-ce que vous avez quand même un objectif à raconter pour ramener de l'argent dans les coffres de la ville? Non, parce que présentement, la nouvelle organisation qui est là est un petit peu un bras de la municipalité. Okay. C'est-à-dire que c'est un organisme non lucratif qui est qui est chapeauté par la ville. Nous, on est des administrateurs bénévoles qui administrent cette OBNL-là, cet organisme non lucratif-là. Et naturellement, ben, tout ce que l'on a à faire, nous, c'est d'essayer que ça coûte le moins cher possible à la ville, parce que c'est pour finir la saison. Parce qu'il ne faut pas oublier que de prendre quelque chose en plein milieu de saison, ben, faut faire la démarcation avec l'ancienne organisation. Puis par la suite, ben, je veux dire, il reste beaucoup de dépenses à avoir, puis beaucoup moins de revenus à rentrer, parce que les billets de saison qui ont déjà été vendus, la publicité, les échanges, ben, on a accès à ça, mais seulement en partie. Donc, normalement, si effectivement à la fin de la saison, c'est parce que dans le fond l'OBNL, en guillemets, le propriétaire c'est la ville, donc à la fin de la saison, s'il reste des sous, les sous vont s'en aller à la ville, puis s'il manque des sous à la fin de la saison, ben là c'est la ville qui va falloir. Ok. Est-ce que l'ancienne organisation est-ce que la nouvelle organisation quand même de votre organisme non lucratif, quoi, est-ce que vous avez à répondre des dettes des anciens commandités des Saguenay-Lac-Chicoutimi? Non. Non. Normalement, là, il y a une démarcation qui est faite en date du 31 octobre, puis les fournisseurs, un exemple, qui avaient des sous, que dans l'ancienne organisation devait des sommes d'argent, bien, c'était l'ancienne organisation à payer. Nous, on est redevable à partir seulement de la nouvelle organisation, puis des activités à partir du début. OK. Donc, le contrat de Marc Fortier, est-ce qu'il est valide? Le contrat de Marc Fortier, ben, normalement, c'est un contrat que je pense qu'il va jusqu'au mois de juin. OK. Mais on est ça rentre dans les négociations. Je ne vous mentirais pas que présentement, il y a il y a un paquet de plus puis de moins, ouais, là, qu'on est en train d'étudier entre l'ancienne puis la nouvelle organisation. D'autres prétendent sur certains points, nous on prétend sur d'autres points que c'est pas payable, etc., etc. Puis effectivement, là, le cas à M. Fortier fait partie de ça, puis ça va se régler au fur et à mesure. Okay. Moi, je vous dirais que d'ici janvier, on va savoir ce qu'il y a dans le fiasco. OK. M. Letourneau, si on parlait maintenant de l'approche des Saguenayens vis-à-vis le lac Saint-Jean, je vous mentirais pas, on est du haut du lac, Dolbeau, Saint-Félicien, également Robertval, même Alma, mais Alma, ça fait plus partie, je dirais, du Saguenay. Par les années passées, il y a pas eu beaucoup de marketing de fait avec les Saguenayens de Chicoutimi au niveau du haut du lac. On a l'impression que c'est plus une équipe du Saguenay. Est-ce que vous allez travailler? C'est sûr que là, il vous reste quand même quelques mois à retravailler, à restructurer ça un peu. Mais est-ce que dans les recommandations, c'est jamais, si, mettons que c'est pas vous, là, qui est là l'an prochain, est-ce qu'il va falloir travailler, là, au du lac? Parce que, moi, ce qu'on me dit au Marquis de Jonquière, il y a 20% des partisans des Marquis viennent du lac Saint-Jean. Ouais, moi, je suis agréablement surpris là, de vos questions par rapport au haut du lac, puis des affirmations comme de quoi ça pourrait être un marché qui est intéressant. C'est bien sûr que je vais me prendre des grosses notes par rapport à ça, puis on va sûrement travailler fort là, pour que dans le futur, là, que d'être capable d'intéresser les gens du haut du lac. OK. Parce que exemple, Samuel Girard. Mais vous, est-ce oui. Que... Oui, excusez. Oui, parce qu'un exemple, un gars comme Samuel Girard qui joue pour les Cataractes de Shawinigan vient de Robertval, puis il y a des autobus qui viennent de Robertval. Donc, ouais. C'est un marché à développer. Je suppose que c'est quelque chose qu'on a travaillé. Parce qu'on a l'impression que c'est plus l'équipe du Saguenay que l'équipe du Lac-Saint-Jean, alors que les Saguenayens, c'est l'équipe d'une région. Oui, c'est vrai. Ça fait partie d'un ou des slogan que l'équipe Hawk, c'est l'équipe d'une région. Puis effectivement, c'est un très, très bon point. Puis on va s'organiser pour qu'il y ait des efforts qui se fassent à ce niveau-là dans le futur. Okay. Franchement, vous avez un très bon point. Okay. Si on parlait maintenant du personnel hockey, tu fais certainement Yannick Jean. Il fait tout un travail, lui. Oui. Je vous dis, écoutez, quand on a pris les rênes, Marc Denis, Jean-François Abraham et moi, quand ça a été le temps de regarder, bon, au niveau administratif, comme on vient de dire, c'est sûr que quand une organisation remet les clés, c'est pas parce que ça va bien. Donc, on savait qu'il y avait quand même pas mal de choses à régler à ce niveau-là. Mais quand Marc a regardé tout ce qui est de l'organigramme hockey, ben, on s'est rendu compte, effectivement, là, que tout le travail que que Yannick Jean avait fait avec son équipe, que ce soit au niveau du dépistage, au niveau de son entourage immédiat, là, avec son personnel, avec ses entraîneurs adjoints, bon, on s'est rendu compte que tout l'organigramme hockey, qu'on n'avait pas un mot à dire par rapport okay. à que tout était fait dans, selon les règles. Okay. Je veux vous parler du contrat de radiodiffusion également. Le contrat de radiodiffusion est sur Internet avec Radio Énergie. Ça a été un petit peu critiqué. Hein. Est-ce que vous êtes satisfait de cette visibilité-là? Parce que il me semble que je suis sur Internet actuellement, ça n'a pas le même impact que si vous seriez sur une radio terrestre. C'est quelque chose que... Ça, effectivement, oui, ça, on est très déçus à ce niveau-là, je ne vous mentirai pas. Mais ça, on est quand même tenu avec... 3 ans. Avec les contrats. Non, ben, oui et non, parce que... excusez. Quand on disait tantôt qu'on veut dire avec le fait que l'ancienne organisation a remis les clés, puis c'est une nouvelle organisation qui est là temporairement, ben je veux dire, on n'est pas tenu à tenir ce genre de contrat-là pour les 3 dernières années. Ce qu'on a convenu, c'est qu'on menait le bateau à bon port pour cette année, mais tout ce qui était à long terme, ben ça va tout être à renégocier. Okay. Puis effectivement, au niveau hockey, ben ce qui arrive aussi, c'est que présentement. Peut-être que les Saguenayens, en étant sur le web, c'est parce que peut-être le résultat de ce qui s'est passé dans la dernière année ou les 2 dernières années, où effectivement, ben, le spectacle puis le rendement n'était pas nécessairement au rendez-vous. C'est toujours une question d'offre et de demande. Hein? Puis, sauf que je me dois de vous dire qu'on est déçu d'être sur le web. On a rencontré quand même 2 fois les gens d'énergie par rapport à ça. Puis, effectivement, on a des devoirs à faire. Puis, quand nos devoirs sont faits, ben, ça va peut-être être des choses. On va pouvoir... Là, on n'est pas nécessairement dans le... Oui, c'est pour sauver un petit peu. Puis, c'est d'éteindre les feux, autrement dit. Puis, vous faites tout un travail. Dernière question. J'ai l'impression que... Richard Letourneau puis sa gang vont être de retour l'an prochain. Il me semble que vous n'avez pas fait ça juste pour 6 mois pour éteindre les feux pour s'en va après. Vous devez avoir des plans pour revenir l'an prochain. J'ai de la misère à croire ça, moi. Moi, présentement, on ne sait même pas quelle sorte de budget que ça prend. Ouais, OK. On ne sait pas le nombre d'assistances que ça prend, la publicité, etc., etc. Je ne vous mentirai pas que notre premier objectif, nous, c'était de pouvoir... Bonne vieille expression que j'ai dit, il fallait mettre du monde dans la cabane. Ça, c'est un objectif qu'on est en train d'atteindre. Deuxièmement, ce qu'on s'est dit aussi, c'est d'avoir de l'ambiance, d'être capable de fait que ça, c'est quelque chose que l'on fait aussi. Puis normalement, ben, en janvier puis en février, on va être capable de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait aussi au niveau des autres organisations. Puis on va être capable par la suite de faire un rapport à la ville aussi pour savoir comment est-ce que nous on voit ça puis de quelle façon que la ville devrait fonctionner pour les futurs. Okay. Maintenant, à savoir si nous, on va être là pour l'année prochaine, on n'est pas rendu là. Donc. OK. Ben, Richard Letourneau, c'est très intéressant. C'est vraiment le fun de faire une entrevue. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qui se passe avec les Saguenayens. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Et beaucoup, beaucoup de santé, puis c'est ça qui est important, puis de la prospérité pour les Sags, puis des victoires. Merci beaucoup, M. Veilleux, vous êtes bien gentil, puis je peux vous dire que vous êtes rentré. Oui! Et je souhaite aussi une heureuse période des fêtes à vos auditeurs, puis votre remarque concernant le fait qu'on délaissait un peu le Haut-Saguenay, Lac-Saint-Jean, j'en prends bonne note. Puis on va s'organiser pour qu'effectivement, ben, là, ça pourrait être si à la fin de la saison, puis pour l'année prochaine, là, le haut du lac qu'on les qu'on s'en. Ça pourrait être la journée de Talbot Mistassini. 50%, c'est un des chiffres que je lance, 50% de rabais sur les gens qui ont Talbot Mistassini ou encore de, je sais pas. Il y a de quoi, il y a des promotions à tourner autour du haut du lac, ça c'est clair et c'est net. Parce que les marquis, quelque part, moi, ce que je sais, c'est de source très sûre, là. Il y a 20% de la clientèle qui vient du lac Saint-Jean au marquis. Donc, Si vous me dites qu'il y a 20% des gens des marquis qui viennent, du haut du lac qui viennent au marquis, c'est bien sûr que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille fort pour que ces gens-là puissent venir au Saguenay. Effectivement. Donc, Richard Letourneau, le président des Saguenayens de Chicoutimi.